Estimados amigos del Tren de la Música, estamos de regreso con ustedes, con un gran placer, ya que siempre estamos felices, el señor Fouché y yo, para manejar el tren como cada domingo por la tarde. Este viaje es siempre tan agradable que no puedo decir el placer que siento al sentarme atrás de este timón. Hoy vamos a estudiar los artículos en francés que son muy parecidos al español. Tenemos le, que se escribe L-E, le, que es el él en español. Y la, L-A, que es la, como en español. Y le, L-E-S, que es la los en español. Mira, tengo que poner, hacer una notificación aquí. En español usted tiene los, masculino, plural, y las, femenino, plural. En francés no. Nosotros tenemos solamente le, L-E-S. No se pronuncia les, se pronuncia le. Masculino singular, le. Femenino singular, la. Y plural, le. Le va con femenino o masculino. Por ejemplo, vamos a decir algo. Si yo quiero decir el libro, je vais dire le livre. Le, porque le es masculino. Le, que es él en español. Le livre. ¿Ok? Je dis le crayon. El lápiz. ¿Ok? Se dit le crayon. Si yo quiero decir le chien. Es el perro. El perro. Le chien. Le crayon. Le chien. Le réveil. El reloj. Le réveil. No es el... Porque le réveil en francés es lo que nosotros tenemos en la pared. ¿Ok? Uh-huh. Una persona réveil. ¿Ok? Ça s'appelle une montre. Lo que tú tienes en el brazo. Uh-huh. Ça s'appelle une montre. On dit la montre. Ok. Le réveil. On dit le livre. El libro. Et le crayon. El lápiz. Le chien. El perro. Ok. Le mur. La pared. Le mur. Ok. Entonces, le va con masculino. Ok, todo que es masculino tenemos que poner le al frente. Vamos a ver por la, el a. La es como es como en español. La mesa, on dit la table. La table. La mesa. Si yo quiero decir la chaise. La silla. La silla. Si yo quiero decir la lune. La luna. Ok. Entonces es parecido en español. Es la. Para distinguir una palabra en femenino, ¿no? Uh-huh. Entonces repetimos. Le, c'est pour el, masculino, singular. La, femenino, singular. Y le, L-E-S, que es los, ¿ok? Pero en francés yo voy a repetir que le se dice por palabras con palabras femenino o masculino. Je peux dire les chaises, que es femenino, les chaises, les tables, femenino mismo, les livres, los libros, les chaises, las sillas, les tables, las mesas. Les crayons, los lápices, ¿no? ¿Ok? Entonces, son los tres maneras de expresar el género, ¿ok? Le, je répète, le, c'est masculin por él, la, femenino por la. Y le por los o las. ¿Ok? Entonces, yo repito. Les chaises. Las sillas. Les maisons. Las casas. Les maisons. Las casas. Les voitures. Los carros. Ok. Entonces, pero mira bien, en español, usted dice carro, el carro, ¿no? Carro es masculino, pero en francés, on dit voiture. Ok. Donc, carro en español es masculino, en francés, on dit la voiture. La voiture, les voitures, la misma cosa. La voiture es el carro. Les voitures son los carros. Ok, masculino, pero utilizamos le por todo. Ok. Hay otra cosa que yo tengo que mencionar. En francés tenemos una regla que no permite que dos vocales se chocan. Escucha bien eso. En francés tenemos una regla que no permite que dos vocales se chocan. Y también no podemos utilizar al frente también de un H mudo. ¿Ok? Los vocales y H mudos uno no puede... Por ejemplo, vamos a ver una palabra en español que dice la escuela. ¿Ok? La escuela. Tiene dos vocales, ¿eh? La, L-A, escuela. Entonces usted tiene dos vocales. En francés es incorrecto. No se puede decir la escuela. Y otra palabra en francés que tiene la iglesia, por ejemplo. La iglesia, la escuela, la idea. No, no se puede. En francés no se hace. Tenemos que quitar de la letra A y poner lo que nosotros llamamos el apóstrofe, apóstrofe, ¿ok? Entonces, yo debo decir l'école. Je vais à l'école. Yo voy a la escuela, a la escuela en español. En francés no. On dit je vais à l'école. Je dis je vais à porque en francés también hay otra cosa. Tenemos que hacer lo que se llama la liaison. Porque je vais se escribe V A I S. Entonces, como le V es terminado por S, tenemos que juntar la S con la A. ¿Ok? Por eso que yo digo, je vais à l'école. Y también a una regla que nosotros estudiaremos también un poco más tarde. La S, la letra S, de entre dos vocales se pronuncia como Z. ¿Ok? Z, la S de entre dos vocales se pronuncia como Z. Entonces yo tengo que decir je vais à porque la S es de entre la I y la A. Entonces se pronuncia como Z. Je vais à l'église. Je vais à l'église. Je vais à l'école. Yo no puedo decir yo voy a la. Usted dice yo voy a la iglesia. No. En francés on dit je vais à l'église. L'église, el apóstrofe, porque tenemos que quitar la A y reemplazarlo por la apóstrofe, ¿ok? Para que no se choquen los vocales. Por ejemplo, si yo dois dire je vais à l'hôtel, l'hôtel, H-O-T-E-L, hôtel, un hôtel, pero como la H no se pronuncia, la H es mudo, yo no puedo decir je vais à le hôtel. No, yo no puedo decir. Tengo que decir je vais à l'hôtel. L'hôtel. ¿Ok? Como por ejemplo, otra palabra, como árbol. Árbol empieza con la A. En francés, on ne dit pas arbre, on dit arbre. Arbre. A-R-B-R-E. Je répète en français, A, R, B, R, E. Escucha bien. A, R, R, A, R, B, R, E. On dit arbre, un arbre, l'arbre. Para mí es el sonido un poco más difícil para el hispano, ¿eh? La radio, la Robert, la R. Porque usted tiene la Rivera, río. No, en francés una pasa. Una radio, radio, Robert, Rivière, arbre. ¿Ok? Entonces, tenemos, para repetir, tenemos la le, que es la L en español, le crayon, le chien, le réveil, le livre, le verre, que es el vaso, le verre, ok, c'est masculino. Et là, on dit la maison, la chaise, la silla, la chaise, la table, la mesa, la table, ok, là. Et je peux dire les mêmes choses au pluriel. Les chaises, femenino, les chaises, les tables, les maisons, les, et en masculin, on dit masculin pluriel, on dit les livres, les chiens, les murs, les maisons, les voitures, les livres, ok? Muy facile. Bueno, yo pienso que es un poquitito delicado, pero me voy a parar hoy en ese curso para que usted pueda escuchar de nuevo el programa a través de la audio. Usted, a través de su computadora, usted puede escuchar de nuevo el mismo programa para repetir y escuchar para aprender. ¿Ok? El correo electrónico de la radio es www.radioudo.tk. Yo repito, www.radioudo, radioudo.tk. ¿Ok? Si usted quiere más informaciones, le van a un celular para llamar. Me puede mandar mensajes, lo que quieras, ¿ok? El celular es 6681-426571. Yo repito, 6681-426571. ¿Ok? Entonces, veremos. Mándame un mensaje a ese celular y nosotros ponemos de acuerdo para cualquier cosa que necesita, ¿ok? Y ahora, con el viaje en el tren, ¿a quién vamos a pedir de cantar, Alex? Para los alumnos. El título, ¿cuál es el título de la canción? Je l'aime à mourir. Je l'aime à mourir. C'est la chanson que nous allons écouter maintenant. Je l'aime à mourir. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira, elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier, elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir. Ne veut pas dormir, je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle vit de son mieux son rêve d'opaline, elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine. Je l'aime à mourir. Elle porte des rubans qu'elle laisse s'envoler. Elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer de les retenir, de les retenir. Je l'aime à mourir. Pour monter dans sa grotte cachée sous les toits, je dois clouer des notes à mes sabots de bois. Je l'aime à mourir. Je dois juste m'asseoir, je ne dois pas parler, je ne dois rien vouloir, je dois juste essayer de lui appartenir, de lui appartenir. Je l'aime mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Moi je n'étais rien, voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira, on n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime mourir. Nous allons écouter maintenant une autre chanson qui s'intitule « La première fois que je t'ai vu ». Ok? Les paroles de cette chanson sont magnifiques. Ok? Les paroles sont douces et c'est passionnant et c'est très amoureux. Écoutons les paroles de cette chanson « La première fois que je t'ai vu ». La première fois que je t'ai vu, la foudre m'est tombée dessus. Et tu es toujours comme avant, glacier le jour, la nuit volcan. Pourtant, quand nous faisons l'amour, des femmes que je n'ai pu avoir défilent dans ma tête tour à tour et prennent ta place dans le noir. Certains soirs je rentre en retard, je te fais croire à des histoires de travail bien trop exigeant ou d'amis très envahissants. Je ne te parle pas des filles qui, malgré moi, me violent au lit. Je fais des heures supplémentaires en jouant les célibataires. Je t'aime. Oui, je t'aime. Tu sais bien que je t'aime. Mais je ne vois pas pourquoi je devrais te le redire 100 fois. Pour moi, ça va de soi. Mais tes ennuis ne me touchent guère. Je compatis d'un air sincère. Mais j'avoue manquer de patience quand, vaincu par ton insistance, j'écoute les menus incidents qui de ta vie font l'agrément et le récit provocateur des charmes de tes admirateurs. Je t'aime. Oui, je t'aime. Tu sais bien que je t'aime. Mais je ne vois pas pourquoi je devrais te le redire 100 fois. Pour moi, ça va de soi. Mais si je te disais tout cela, bien sûr, tu ne comprendrais pas que malgré mes écarts coupables, tu m'aimes vraiment, indispensable. Qui sait si toi de ton côté tu n'as pas les mêmes pensées. C'est bien comme ça et tu verras que tendrement ensemble on vieillira. Wow! Regarde qui on a dans le train cet après-midi. Quelle bonne surprise! Oui, nous avons avec nous notre chère et tendre amie, Madame Mireille Mathieu. Oh, comme je l'aime! Cette dame, et qu'est-ce qu'elle va nous chanter? Toi qui m'as tout donné. Toi qui m'as tout donné. C'est ce qu'elle va nous chanter maintenant. On va écouter Mireille Mathieu qui nous chante. Toi qui m'a tout donné. Sans espérer et vivre sans aimer toi. Mon amour, mon improbable amour, il était déjà tard et le vent gris du hasard soufflait sur notre automne. Mon amour, mon improbable amour, le soir allait brûler les dernières clartés des espoirs qu'on se donne. Ah, ça, c'est de la poésie. Oui, ce sont là les chansons de la dernière chanson que nous écouterons dans le programme de cet après-midi. Je vous remercie, je vous envoie un gros salut et je m'unis à la gentille demoiselle Alejandra Trasvinia Galavix qui a bien voulu partager le microphone avec moi cet après-midi. Et nous vous disons merci et ça a été un grand plaisir d'être avec vous, de vous faire écouter notre programme dominical Le Train de la Musique. Grandes cosas suceden en la gran universidad. Nunca se le olvide, ok? Entonces, un gros merci. Nous vous invitons à venir vous joindre avec nous encore le dimanche prochain à partir de 4h sur les ondes de la radio UDO, radio de l'Université de l'Occident, émettant depuis Moschis, la capitale de la culture. Sur la fréquence 820 AM et aussi la 89.3 FM. Je me joins à Alex pour dire à vous tous bonsoir, bon après-midi et à dimanche prochain. Toi qui vends de la nuit.